Jérémie chapitre 3. On dit, si quelqu'un délaisse sa femme, et qu'elle se séparant de lui se joigne à un autre mari, le premier mari retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en serait-il pas entièrement souillé? Or toi, tu t'es prostitué à plusieurs amoureux, toutefois retourne-toi vers moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les lieux élevés, et regarde quel est le lieu où tu ne te sois point abandonné, tu te tenais par les chemins, comme un arabeau désert, et tu as souillé le pays par tes débauches et par ta malice. C'est pourquoi les pluies ont été retenues, et il n'y a point eu de pluie de la dernière saison. Mais tu as un front de femme débauchée, tu n'as point voulu avoir de honte. Ne crieras-tu point désormais vers moi, mon père, tu es le conducteur de ma jeunesse? Tiendra-t-il sa colère à toujours, et me la gardera-t-il à jamais? Voici, tu as ainsi parlé, et tu as fait ces mots-là, autant que tu as pu. Aussi l'Éternel me dit, au jour du roi Josias, n'as-tu point vu ce qu'Israël la revêche a fait? Elle s'en est allée sur toute haute montagne, et sous tout arbre verdoyant, et elle s'y est prostituée. Et quand elle a eu fait toutes ces choses, j'ai dit, retourne-toi vers moi. Mais elle n'est point retournée, ce que sa sœur Juda la perfide a vu. Et j'ai vu que pour toutes les occasions par lesquelles Israël, la revêche avait commis adultère, je l'ai renvoyée, et lui ai donné ses lettres de divorce. Toutefois Juda sa sœur, l'infidèle, n'en a point eu de crainte, mais s'en est allée, et elle aussi s'est prostituée. Et il est arrivé que par la facilité qu'elle a s'abandonnée, elle a souillé le pays, et a commis adultère avec la pierre et le bois. Et néanmoins pour tout ceci, Juda, sa sœur, la perfide, n'est point retournée à moi de tout son cœur, mais avec mensonge, dit l'Éternel. L'Éternel donc m'a dit, Israël la revêche s'est montrée plus juste que Juda la perfide. Va donc, écris ces paroles-ci vers l'Aquilon, et dis, retourne-toi, Israël la revêche, dit l'Éternel, je ne ferai point tomber ma colère sur vous, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, et je ne vous la garderai point à toujours. Mais reconnais ton iniquité, car tu as péché contre l'Éternel, ton Dieu, et tu t'es prostitué aux étrangers sous tout arbre verdoyant, et n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Enfant revêche, convertissez-vous, dit l'Éternel, car j'ai droit de mari sur vous, et je vous prendrai l'un d'une ville, et deux d'une lignée, et je vous ferai entrer en Sion. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront de science et d'intelligence. Et il arrivera que quand vous serez multipliés et accrus sur la terre, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne leur montera plus au cœur, ils n'en feront point mention, ils ne la visiteront plus, et cela ne se fera plus. En ce temps-là on appellera Jérusalem, le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront vers elle, au nom de l'Éternel, à Jérusalem, et elles ne marcheront plus après la dureté de leur cœur mauvais. En ces jours-là la maison de Juda, marchera avec la maison d'Israël, et ils viendront ensemble du pays d'Aquilon au pays, que j'ai donné en héritage à vos pères. Car j'ai dit, comment te mettrai-je entre mes fils, et te donnerai-je la terre désirable, l'héritage de la noblesse des armées des nations? Et j'ai dit, tu me crieras, mon père, et tu ne te détourneras point de moi. Certainement, comme une femme pêche contre son ami, ainsi avez-vous péché contre moi, ô maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix a été ouïe sur les lieux élevés, des pleurs de supplication des enfants d'Israël, parce qu'ils ont perverti leur voix, et qu'ils ont mis en oubli l'Éternel, leur Dieu. Enfants revêches, convertissez-vous, je remédierai à vos rébellions. Voici, nous venons vers toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Certainement on s'attend en vain aux collines, et à la multitude des montagnes, mais c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est la délivrance d'Israël. Car la honte a consumé dès notre jeunesse le travail de nos pères, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous serons gisants dans notre honte, et notre ignominie nous couvrira, parce que nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse, et jusqu'à aujourd'hui, et nous n'avons point obéi à la voix de l'Éternel, notre Dieu.